L'art à l'école par Léon Frappier. Le grand peintre Marandol vient d'être nommé inspecteur général dans l'enseignement primaire. Ami d'un ministre, il a accepté des fonctions officielles, sans doute pour organiser des réformes dans le sens de l'art. L'opinion est unanime sur ce point. On apprend qu'il se propose de visiter l'école maternelle du quartier des Plâtriers. Aussitôt, la directrice et les adjointes sont en proie à la plus vive agitation. Après une grave conférence, on décide qu'un bouleversement complet s'impose immédiatement. On décroche les vieilles cartes de géographie, les tableaux poussiéreux d'anatomie et d'histoire naturelle, les toiles cirées jaunâtres montrant les poids et mesures, les placards d'alphabet et de Maxime Moral. Ces dames se perchent sur des échelles, se donnent des coups de marteau sur les doigts et installent au mur l'art à l'école sous forme d'images mises à la portée des enfants. Des similigravures et des chromolithographies représentant, en traits simples et en couleurs unies, des jeux d'écoliers ou bien des arbres, des maisons villageoises. L'effet obtenu semble admirable. L'on pourra affronter triomphalement la critique du haut dignitaire de l'instruction publique. Marandol fait son entrée. Grand, avec la prestance d'un mousquetaire, il a une tête léonine superbe, une crinière cendrée, un vaste front aux sourcils dominateurs, des yeux gris qui fascinent, un nez large aux narines mobiles, les moustaches relevées. Sa voix brusque et chantante retentit fortement. Il porte la rosette de la Légion d'honneur sur une vareuse noire à col de velours. Il est introduit tout d'abord dans le cabinet de la directrice. Puis, comme des parents d'élèves sont dans l'antichambre qui attendent, il n'accepte pas qu'on l'accompagne et entreprend seul la visite de l'école. Le voici dans la classe de Mademoiselle Jeanne, une petite adjointe de rien du tout, blonde, fluette, très simplement vêtue et qui, pour lui parler, est obligée de lever sa mignonne figure aux yeux naïfs d'un bleu tendre. Mademoiselle Jeanne est très intimidée par monsieur l'inspecteur général, mais un charmant espoir se mêle à son émoi. Pareil à une enfant qui a préparé une surprise de fête pour ses parents, elle attend l'effet de l'ornementation murale sur le grand artiste, elle attend ses remarques, ses félicitations et enfin la bonne note. Les enfants dûment stylés se sont levés militairement. Le personnage les contemple avec intérêt, leur fait signe de se rasseoir, et tout aussitôt il tourne la tête de droite et de gauche, cherchant, flairant quelque chose d'insolite. Il se déplace, et enfin il tombe en arrêt devant les croquis et les enluminures tout battant neuf. Il semble bâiller d'admiration, et il demande, d'un ton surpris, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Mademoiselle Jeanne, toute heureuse, répond gracieusement, « Monsieur l'inspecteur, c'est à votre intention. » C'est pour réaliser les nouvelles données sur l'art à l'école. Marandol croise les bras, son visage devient sévère, sa voix résonne terriblement. Ah, c'est ça, l'art à l'école. Jeanne pâlit, comme frappée au cœur, il balbutie. Monsieur l'inspecteur, je croyais. Marandol continue sans ménagement. Alors, mademoiselle, vous croyez qu'il y a un art scolaire? Comme sans doute, selon vous, il y a un art pour les gens riches et un art à l'usage du peuple. Ha ha! L'art à l'école, ça se cloue au mur, et c'est primitif, inachevé, simpliste. Ça s'adresse aux yeux seulement. C'est le monde en images, le monde en papier. La minute est impressionnante. Les enfants se tiennent à leur place, immobiles et silencieux. Le grand monsieur, au sujet de qui on leur a fait des recommandations de sagesse et de respect, a l'air furieusement fâché. Mademoiselle Jeanne courbe la tête, atterrée, le souffle en suspens. Cependant, Marandol change de ton. Il prend un accent religieux. « Non, mademoiselle, l'art véritable est unique. Il s'adresse à tous également, aux grands et aux petits, à l'aristocratie et au peuple. Toutefois, ça existe, l'art à l'école. Je vais essayer de le prouver. Permettez-moi de prendre votre place au bureau et veuillez vous tenir ici, près de la fenêtre, face à la classe. Pardon, avancez un peu plus à droite, s'il vous plaît. Quel drôle d'éclairage donne cette fenêtre ? Là, très bien. » Un geste impressionnant envers les rangées d'élèves. « Mes enfants, l'art, c'est ce qui est bien. C'est ce que l'on doit aimer. » Voix formidable. « L'art, c'est des choses et des gens de vrai. C'est ce qui vous donne envie de devenir beau, grand, fort, d'être bon, gentil, et aussi de vous envoler, de courir, de voir toujours plus loin, toujours plus haut. Quelqu'un qui a une figure agréable, qui fait des mouvements jolis, qui marche avec grâce, qui a un vêtement bien dessiné, une voix aimable, voilà de l'art. Et l'art, c'est aussi ce qu'on vous raconte. et qui vous rend la figure souriante, pensive, et qui vous fait regarder autour de vous dans la rue, dans le square, pour chercher davantage de lumière, de douceur et de gaieté. Marandol poursuit son discours. Il s'adresse à Mademoiselle Jeanne par quelques phrases incidentes. Il n'y a de profitable aux enfants que le modèle vivant, réel. La reproduction ne leur dit rien. Mais elle ne perçoit qu'un bourdonnement douloureux. Pensez donc, elle aura une mauvaise note d'inspection. Elle est perdue. Sa carrière est compromise, sans espoir. Attention, monsieur l'inspecteur général de l'enseignement primaire, délégué de monsieur le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, interroge son auditoire. Voyons, toi, là-bas, qui me regardes si bien. Oui, le petit au nez retroussé, à la binette mâchurée. Comment t'appelles-tu? Cri-cri. Quel âge as-tu? 5 ans. Eh bien, mon vieux Cri-cri, tu as entendu. L'art, c'est tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qu'il y a de plus beau, et qu'on voit, et qu'on entend, et qui est de vrai. Alors dis-moi, en vois-tu de l'art à l'école? Y en a-t-il ici, dans la classe? Cri-cri n'hésite pas. Oui, monsieur, là, à côté de vous, c'est mademoiselle. Allons, viens m'embrasser, tu réponds comme un ange. C'était L'art à l'école, par Léon Frappier.